Alors, je suis avec Mathilde Capone, qui est la réalisatrice du documentaire Parole, dis-nous, résistance sur terre colonisée. C'est un film que j'ai eu la chance de voir hier à La Déferle, qui va être présenté dans le cadre du festival Hors cadre, qui est organisé par le collectif Média Libre. Donc, ça va être présenté pendant la soirée anticoloniale. Bonjour, Mathilde. Hey, bonjour Karine. Bonjour. J'aimerais que tu me parles un peu de ton film d'abord pour présenter le sujet, puis comment t'en es arrivée à vouloir faire un documentaire sur ça. Ben dans le fond, moi je suis partie pendant 4 mois dans la communauté Innu de Tessami parce que je réalisais une maîtrise en anthropologie sur la question des processus de résistance face à la violence systémique, donc la violence de l'ensemble des systèmes sur les modes de vie autochtones. Que ce soit la colonisation, le capitalisme, l'étatisme, donc le modèle étatique d'organisation sociale politique. Et quand je me suis retrouvée là-bas, j'avais déjà en fait en tête l'idée de réaliser un film avec des Innus là-bas, vraiment dans une idée de collaboration. Et au fur et à mesure de mon terrain de recherche, quand je suis partie là-bas de mars à juin 2013, et au fur et à mesure que je rencontrais du monde, que je faisais des entrevues avec des gens sur le sujet de la résistance, je me suis rendu compte que j'étais éthiquement très très mal à l'aise parfois avec ma posture qui était de prendre des informations puis qu'il n'y ait pas de retour envers la communauté, qu'il n'y ait pas d'échange. Et même si c'est évident qu'il y en avait, parce que quand tu fais une entrevue avec quelqu'un puis que tu vis avec ces personnes-là, c'est sûr que t'es dans une processus d'échange simplement culturel, en fait, que tu viens pas du même endroit et tu portes pas les mêmes choses, puis c'est pas juste eux qui te donnent, c'est toi aussi qui donnes du fait que t'es là, c'est tout un processus de don et contre-don. Mais par rapport à plus précisément les entrevues que je faisais et la recherche universitaire, ça m'est apparu vraiment très très vite que personne n'allait lire un mémoire de 200 pages fait à l'université, dans souvent un langage qui est très inaccessible pour les gens. Et ça m'est apparu très rapidement que le film, qui est déjà un média qui, moi, m'intéressait beaucoup, je m'étais déjà servi un petit peu, ça pouvait être un outil intéressant là-dedans parce qu'il pouvait être réapproprié par le monde aussi. C'était pas simplement quelque chose d'externe à eux, mais qui pourrait en faire partie prenante, en fait, surtout en développant cette idée de la collaboration avec le monde, c'est-à-dire que ce soit pas juste moi qui décide toute seule de qu'est-ce que je pourrais mettre dans ce film, mais que ce soit comme un échange, en fait, puis qu'il y ait un dialogue avec le monde, puis qu'on construise ce film-là ensemble. Et c'est pour ça que moi, après avoir fini un premier montage, je suis retournée dans la communauté, je suis allée regarder avec chaque personne qui apparaît dedans, mais la plupart, je dirais comme les 3/4 des personnes, parce qu'il y a des gens qui n'étaient plus là aussi non plus, mais avec la plupart des personnes, je suis allée regarder le film, puis on en a discuté ensemble, puis on a échangé là-dessus, puis ils m'ont demandé de faire certaines modifications que j'ai faites. Donc c'était ça un peu la première approche que j'avais par rapport à ce film, puis c'est aussi que mon idée, c'était aussi de pouvoir libérer la parole de gens qui n'ont pas d'espace de parole, tu sais, qui sont, je dirais pas qu'ils sont des sans-voix parce qu'ils ont une voix, mais c'est juste qu'ils n'ont pas de voix pour l'exprimer. Et en fait, la parole qu'eux-mêmes ont, il n'y a pas d'espace d'écoute de qui ils sont, mais de qu'est-ce qu'ils ont à dire. Et du coup, c'était aussi donc de diffuser cette voix-là dans d'autres milieux, puis dans des milieux dans lesquels moi j'avais accès, notamment des milieux radicaux, par exemple à Montréal. Tu sais. Fait que c'était aussi créer des ponts entre des réalités qui sont différentes, entre des réalités qui s'enracinent dans des milieux qui sont différents, mais qui se rejoignent en fait sur des luttes, sur des valeurs, sur des choses qui sont partagées. J'ai vraiment aimé qu'est-ce que tu as dit par rapport à la réception du film quand tu es allé le montrer aux personnes qui étaient dedans, finalement, comme leur réaction sur les gens qui voyaient, qui connaissaient, tu sais, ou qui connaissaient pas de leur communauté, puis qui se rendaient compte que, tu sais, hey, on pense la même chose dans le fond. Peux-tu me parler un peu de ça, tu sais, tous les trucs que tu as remarqués dans la communauté, les conflits, puis le manque de vie communautaire dont tu parlais aussi? Ouais, mais ça, c'est hyper intéressant parce que, dans le fond, il y a beaucoup de conflits dans les communautés. Puis il y a beaucoup de conflits dans la communauté de Pessami. Notamment sur la question du conseil de bande, sur la question du rapport qu'il faut avoir avec le territoire, tu vois, est-ce qu'il faut dire oui au plan nord, est-ce qu'il faut dire non au plan nord, est-ce qu'il faut négocier pour avoir des redevances, parce que de toute façon ces projets-là vont se faire, ou est-ce qu'il faut s'opposer concrètement, proposer des actions directes pour ne pas que ces développements aient lieu. Donc tous ces conflits-là, en fait, que moi aussi j'ai essayé de rendre compte en même temps dans mon film, et en même temps il y a des choses qui sont de l'ordre, tu vois, des oppositions entre des gens sur des sujets particuliers, mais qui finalement, parce qu'ils sont en opposition sur ces sujets-là, ils pensent qu'ils sont en opposition totale sur tout, et qui du coup ne se parlent pas, et sont vraiment en conflit. Et quand je leur ai montré, quand j'ai montré à plusieurs personnes mon film là-bas, eux, leur, une des réactions qui, moi, m'a beaucoup touchée, ça a été de dire « Ah ouais, telle personne y pense ça, c'est mon voisin, ben Chris, ça me donne envie d'aller lui parler, en fait. » Ce truc-là de casser cette barrière-là qui est construite et de dire « Mais tu sais, il habite à 50 mètres, puis il faut que ce soit de l'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'ailleurs. » Qui viennent, puis qui questionnent, c'est cette rentrée de l'autre-là qui fait que moi, je vais aller parler à mon voisin. Et ça, moi, c'est quelque chose qui, je pense, a été comme, pour moi, la plus grande réussite de ce film-là, en fait. Au-delà de tout ce que ça peut susciter comme réflexion, comme échange, comme débat, juste deux personnes qui m'aient dit ça quand je suis allée à Pessamit, de genre, ah, telle personne, il pense ça, mais tu sais, je vais aller lui parler maintenant, alors que je pensais que c'était un cas, puis un ennemi, puis un opposant politique. Mais ça, c'est d'une richesse énorme. Ça montre vraiment comment le tissu social des communautés est désintégré, en fait. Comment est-ce qu'il y a un manque de vie communautaire? Alors, il y a une vie familiale, c'est clair. Il y a une vie qui prend corps, qui prend racine autour de la famille, autour de, tu vois, les oncles, les tantes, la famille élargie, parce que c'est des très grandes familles. En tout cas, tes familles, c'est communauté, dans la communauté, les gens que j'ai rencontrés, c'est souvent des grandes familles. Il peut y avoir 10-12 enfants, tu sais. Puis, du coup, il y a toujours cette vie collective autour de la famille, des amis élargis, donc un cercle élargi, mais la vie communautaire, moi, est vraiment absente. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé en regardant mon film, mais pourquoi t'as pas montré plus de moments de vie communautaire? On est dans une communauté. Et moi, je suis comme, bah écoute, les 4 mois où j'y étais, il n'y en a pas vraiment eu des moments de vie communautaire. Oui, tu vas avoir la fête du 18 août, tu vas avoir différentes semaines de guérison où les gens se rencontrent, mais ça reste comme chacun reste avec son groupe affinitaire, vient peut-être à ces rencontres-là, mais il y a vraiment une désintégration du tissu social, en fait. Puis, par rapport à la réception, quand tu l'as, ben, tu vas le présenter vendredi prochain, mais quand tu l'as déjà présenté à des personnes non autochtones, qu'est-ce que tu remarques comme différence dans la réception qu'il peut y avoir entre quand tu l'as montré aux gens à Pessamit, puis mettons les gens à Montréal, comme tu dis, dans la communauté militante, par exemple? Ben, c'est sûr que quand je l'ai montré, par exemple, à Montréal, il y a beaucoup de choses que les gens ont du mal à comprendre parce que c'est pas de leur réalité, comme par exemple des luttes qui ont été menées, tu vois, parce que je parle très rapidement de la lutte qui a été menée à un moment donné par l'ancien chef de la communauté Pessamit pour protéger l'île René Levasseur contre l'exploitation forestière de l'entreprise Kruger. Enfin, c'est qui a été une lutte très très controversée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, ça c'est quelque chose qui est abordé très rapidement dans le film parce que je trouvais ça important d'en parler. Puis c'est quelque chose qui est, par exemple, pour les gens de la communauté qui sont au courant, parce qu'encore il y a plein de gens de la communauté qui ne sont pas du tout au courant de ça, mais ceux qui sont au courant, c'était très évident de comprendre ça et donc de créer un débat là-dessus puis d'en parler. Et par exemple, quand je le montre à des gens de Montréal, il y a très très peu de réactivité sur ça parce que c'est des sujets qu'ils connaissent pas du tout. Et il y a beaucoup beaucoup de choses. Par exemple, j'ai une amie qui me disait qu'elle était tellement surprise de comprendre, en fait, à travers ce film-là, que le Conseil de bande, c'est une institution coloniale qui a énormément de pouvoir, en fait, qui est au centre de tout dans la vie d'une communauté, qui contrôle tout. C'est eux qui... tu vois, qui délivrent les jobs, c'est eux qui donnent le BS, c'est eux qui donnent les maisons, c'est eux qui gèrent les finances, ils sont responsables des négociations territoriales, ils sont à la fois ambassadeurs, tu vois, c'est eux qui décident de qui peut être le co-gestionnaire, de où va l'argent, de comment sont gérées les finances, c'est comme sur le monopole de l'emploi, c'est vraiment, hein, tu vois, une institution qui dirige, qui contrôle tout, et ça, c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup de Québécois, Québécoises que j'ai rencontrés ne savaient pas, et ont été très surpris de voir ça en regardant mon film. Après, ça dépend des Québécois, Québécoises, il y en a aussi qui sont très impliqués, puis qui connaissent très, très bien la réalité des communautés, et qui savent ça, mais il y en a aussi beaucoup qui n'étaient pas du tout au courant de ça, il y en a même d'autres qui m'ont dit, mais je savais même pas que le titre ancestral des Inuits n'avait jamais été cédé, tu vois, comme ça. Ça suscite comme plein de questions, je pense, et de réflexions et de connaissances que les gens n'ont pas et qui, je pense, sont très, très importantes, en fait, à communiquer, à parler, parce que c'est au centre, en fait, de la question des relations entre les Blancs et les Autochtones et aussi de la question de la colonisation, en fait, et des rapports coloniaux qui perdurent dans les relations entre les gouvernements et les Autochtones aujourd'hui. Alors oui, c'est sûr que les réactions ont été très, très différentes. Et même, je l'ai montré à des amis de ma famille en France. Et là, c'est encore toute une autre réalité, parce que c'est encore plus loin. Puis là, vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses que personne n'a compris. Que je trouvais que c'était aussi très intéressant, parce que c'était d'autres réflexions qui sont venues, notamment sur le fait qu'il y a beaucoup de gens en France, puis beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout conscientisé que c'est la France qui a colonisé aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire du Québec. De la même manière que, tu vois, les Français ne connaissent rien à la situation de la colonisation de l'Algérie, mais ils connaissent absolument rien au fait que ça fait partie de leur histoire, la colonisation des peuples autochtones ici. C'est eux les premiers qui sont arrivés. Alors oui, ils ont perdu après la guerre contre les Anglais, etc. Ils ont abandonné, entre guillemets, le Québec. Mais c'est eux aussi qui ont participé à tout ce système colonial. Et ça, c'est quelque chose qu'on ignore tout à fait en France. Et que ça ait pu susciter ça dans les débats, quand moi j'ai projeté le film, ça aussi, j'ai trouvé que c'était comme une réussite de ça. Puis ton film, il fait vraiment bien le lien entre justement la colonisation dans le passé, puis qu'est-ce qui en est vraiment les conséquences aujourd'hui. Puis je pense qu'il y a eu des questions là-dessus pendant la discussion, tu sais, comme quelqu'un qui demandait, mais là, est-ce que ça a encore rapport avec la colonisation? C'est fini. Mais comment que ça dure dans les problèmes auxquels ils font face aujourd'hui? C'est encore des conséquences d'eux, tu sais. Oui, c'est clair. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, que j'ai voulu... moi, j'ai voulu vraiment ne presque pas apparaître dans ce film-là, même s'il y a comme une espèce de trame de fond qu'on sent que c'est quand même moi qui ai choisi, comment j'ai organisé, en fait, comment les gens parlaient. Mais c'est sûr que une des choses les plus importantes que j'ai voulu là-dedans, c'est d'amener justement ce que tu soulèves là, que la colonisation, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'un passé ancestral. On a fini la colonisation avec les autochtones? Non, pas du tout. La colonisation, elle existe toujours aujourd'hui. Elle existe sur d'autres modèles, sur d'autres façons. C'est plus une néocolonisation peut-être, d'autres formes. Mais elle est toujours présente et la loi sur les Indiens existe toujours. Même si elle a été modifiée, même s'il y a eu des amendements, c'est toujours la même. Toujours une loi coloniale et c'est toujours les politiques publiques des gouvernements envers les autochtones sont toujours marquées par ce paradigme colonial qui est immuable en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à en sortir. De toute façon, aussi parce qu'ils refusent en fait d'en sortir, puis que ils veulent continuer ce rapport-là avec les autochtones, puis ils leur refusent en fait leur propre autodétermination sur leur territoire. Et oui, ça aussi c'est quelque chose de très important que les gens le réalisent et le disent. Alors, la fois, il y a une fille que j'ai rencontrée qui justement me disait, mais moi quand j'ai appris ça, ça m'a fait halluciner. Je pensais que c'était fini. Je pensais que les autochtones, ça allait bien aujourd'hui, mais comme en fait le fait de discuter avec toi, ça m'a fait comprendre que pas du tout. Puis ça me donne envie moi-même de m'impliquer, d'être solidaire avec les autochtones. Ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental, qu'il y ait une solidarité, tout en re-questionnant la place que les blancs ont et la place que les autochtones ont envie de leur donner dans la solidarité qui peut se faire avec des luttes qui leur appartiennent, qui doivent être les leurs, parce que c'est eux qui doivent décider eux-mêmes de qu'est-ce qu'ils veulent pour leur peuple, en fait, et sur leur terre, mais que c'est quand même très important qu'il y ait une solidarité. Pour terminer, je voudrais revenir sur un truc que tu as dit par rapport à ton point de vue, à toi, dans le film. Puis il y a une question aussi qui a été posée hier à la discussion par rapport à la neutralité. Puis je pense que c'est vraiment important d'en parler dans le cas du festival, par exemple, Hors Cadre, qui est organisé par un collectif de médias indépendants. Mais comme quelqu'un disait, les documentaristes, les gens qui font des documentaires, ils n'ont pas à se conformer à cette espèce d'objectif de neutralité journalistique parce que il essaie de donner un point de vue qui est orienté, tu sais, sur le monde. Je sais pas qu'est-ce que toi t'en as pensé, comment t'as essayé de présenter, tu sais, ton point de vue en laissant la place quand même aux gens qui t'interviewaient. Mais moi, ce que j'ai vraiment voulu dans ce film-là, c'était aussi de montrer la complexité de toutes ces questions et de montrer que les gens avaient des avis différents, qu'il n'y a pas une seule voix, il n'y a pas une seule parole. Parce que si nous, on a une parole qui est une parole radicale dans les communautés, c'est pas forcément ça qui est au centre tout le temps. C'est sûr que j'ai fait le choix de ne pas garder juste les discours avec lesquels j'étais d'accord, avec lesquels ça c'est mon point de vue. Il y a plein de gens qui parlent dans le film, c'est pas mon point de vue. Mais mon point de vue, c'est de leur donner un espace où ça peut être exprimé. Puis oui, ça, c'est un parti pris qui n'est pas celui de dire je fais un documentaire en allant chercher l'information que moi je veux démontrer. Parce que moi, c'est sûr qu'il y avait une éthique dans mon travail qui était celle de montrer la complexité et de montrer des points de vue qui sont en fait différents. T'sais. Sont pas uniformes dans une seule direction qui serait la mienne. Et alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de documentaires qui sont faits et qui sont très très bons aussi. Moi je vois des documentaires avec des points de vue, puis je suis tout à fait d'accord et je trouve ça bien que ça existe, mais c'est pas cette voie-là que moi j'ai choisie, tout en même temps allant aussi interroger des gens qui avaient mon point de vue et en faisant ressortir aussi ce point de vue-là qui pouvait être contre l'exploitation territoriale, etc., puis qui dénonçait vraiment cette exploitation. Mais aussi parce que je pense que c'était une recherche universitaire que j'ai voulu comme toucher plusieurs personnes pour aller voir un spectre assez large de gens qui ont des avis différents. Et c'est sûr que du coup, ben, ça se ressent dans le film aussi. Ben merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter sur ton film ou sur le festival? Non, juste comme ben, venez à la soirée anticoloniale qui aura lieu vendredi prochain à l'Alizée. C'est ça. OK, ben merci. Ben merci à toi. Bye.